tu es à la radio, c'est que la bite est à une gouine. Alors là, je réponds même pas sur une question pour être. Hey, mais putain, t'es à ton micro, toi, Foufiane, ça. Tu te fais pas chier, toi non plus. Tu coupes pas la parole à Hugo. Mais je t'aime, Gérard. Ouais, bah, pas moi. Alors, au lieu de raconter des conneries pour que je me dispute avec Sandy, tu ferais mieux t'occuper de ton standard, d'accord? Merci pour le son. Merci, Pizarre. Merci, connard. Merci pour le son. Oh, Skyfrog, t'as un sans fil? Mais non, mais pas du tout, c'est un portable. Hein? Je te balance un casque dans ta gueule. Oh! Allô? Hey, tu fermes ta gueule. Oh, oh putain. Hey, police, ça va pas ou quoi? Au standard, là, vous me dites ça, là. Pildard! Oh là, putain, mais qu'est-ce que je vais travailler avec de la musique comme ça, là? Oh, ouais, putain, mais arrête, Pildard, avec ça, j'en ai marre. Mais c'est pas moi. C'est pas lui, tu vois pas que c'est pas lui? Putain, j'en ai ras-le-bol. Il relève des collections dans mon porte-monnaie. Je balançais pas la purée. T'as un vieux cochon qui pense qu'à sodomiser les gars dans les chiottes de la loco. Il est parti. Je te préviens, va pas t'amuser à faire des stimulations. Parce que là, fais-moi confiance que tu vas prendre ma main dans ta gueule. Alors, je te préviens, fais gaffe à toi, ok? Alors, au revoir. Un broutille, là. Ouais, ben, le mieux, c'est de voler dans un sac à main. Non. Ton poids sans indiscrétion. Attends, Sandy, elle est jalouse parce qu'à quoi tu veux sortir avec quoi? Hein? Ouais. Alors maintenant, tu te démerdes. À mon avis, c'est quelqu'un qui s'amuse à passer sur toi. Donc moi, je peux te... Rigo, si tu veux pas que je crie, retire 5 minutes ton casque parce que là, je vais m'énerver. Je préviens d'une chose, les auditeurs, essayez d'appeler au standard pour donner des bons conseils, des bons trucs, des bons sujets, parce que sinon Max il commence à en avoir marre. Excuse-moi Gérard, à la place des messieurs, on a qu'une petite liste. Non mais c'est pas la peine. T'es vraiment une pute. Est-ce que tu prends du bien gras, toi? Non. Et toi, non, il a déjà du gras à la maison. Il a déjà du gras à la maison. Allez, droit. Ah, putain, mais qui c'est qui s'amuse à dire un bonbon, là? T'arrêtes pas un peu? Eh, hey, vous commencez à me casser les couilles au standard, là, tous les deux. Regarde, derrière, s'il vous plaît. Eh, hey, qui c'est qui s'amuse à ce putain de remix, là? Qu'est-ce que t'as cassé? C'est pas de mal d'ob. Combien de temps t'arrives à tenir en acné, Gérard? Sur IRC, il y a Yankee qui te remercie de la part de Brigitte Bardot pour avoir sauvé Willy et lui avoir donné un foyer.